Yeah. Naruto. Ouais. Naruto. Yeah. T'as préféré voir un autre pendant que moi j'étais là, je t'avais tout donné. T'es rentré dans ma zone, t'as tout pris et t'es parti, maintenant je me sens volé. Yeah. Le karma c'est pour tout le monde. Le karma c'est pour tout le monde. Tu vas payer. Le karma c'est pour tout le monde. Le karma c'est pour tout le monde. Tu vas payer. Yeah. C'est pas la peine de ramasser ce que t'as cassé. T'étais mon futur, maintenant t'es mon passé. J'garde la face vers le ciel, j'ai le menton pointé. J'tiens ma poitrine avec l'autre main, j'vais t'effacer. Qu'est-ce qu'on fait là? On n'était pas censé en être là. Toujours ceux qu'on aime qui nous font mal. Moi j'comprends pas. J'ferme la porte, plus personne chez moi. Parce que l'invité avait le cœur noir. Ah, moi j'en ai marre, c'est pas comme ça. J'avais pas prévu ça sur mes gars. C'est mieux comme ça. Bref, t'as préféré voir un autre pendant que moi j'étais là et j't'avais tout donné. T'es rentré dans ma zone, t'as tout pris et t'es parti, maintenant je me sens volé. Yeah. Le karma c'est pour tout le monde. Le karma c'est pour tout le monde. Tu vas payer. Le karma c'est pour tout le monde. Le karma c'est pour tout le monde. Tu vas payer. Yeah. Besoin de me retrouver, laissez-moi seul, là c'est bon. Je sais pas, je suis dans quel monde, je suis perdu dans l'inception. Elle me racontait trop de salade, obligé d'oser le temps. J'aurais dû écouter, on m'a dit trop beau, trop con. Ouais, voilà, je suis blasé, envie de tout lâcher. Mais je vais me relever, c'est vrai que j'y pense tout le temps. Je suis trop vrai, moi, pour ces gens. Je suis trop vrai, moi, pour ces gens. À l'heure, en fait, moi, je m'absente. Parce qu'on fait pas le même boucan. Non, parce qu'on fait pas le même boucan, non. Bref, t'as préféré voir un autre pendant que moi j'étais là et j't'avais tout donné. T'es rentré dans ma zone, t'as tout pris et t'es parti, maintenant j'me sens volé. Yeah. Le karma c'est pour tout le monde. Le karma c'est pour tout le monde. Tu vas payer. Le karma c'est pour tout le monde. Le karma c'est pour tout le monde. Tu vas payer.